Yves Saint Laurent, tu as mon 43, la ceinture à fort, tu as mon 44. Ils ont vu les cendres, moi j'ai vu les flammes. T'as plus de siècle que je monte comme le 44. Intelligent, frigo V, on a grandi sans fric. La boule au ventre, stylo pic, j'embrasse un chèque. J'ai pris son brick, c'est le métier qui rentre. J'suis sur le toit, tu sais qu'on s'enlise. J'lève un doigt, maman, dans les tourments. Tu parles de moi, moi j'te souhaite juste de pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Snipe dans un mug, j'ai déjeuné. Yas bien trop grosse pour entrer dans la poche. Tu joues les thugs, on est en 2015. Tony ici, il tiendrait la sacoche. Quand ça m'en fait, j'ai mon caractère. Organisé, je vois mes potes qui luttent. T'es content hier, je n'étais rien. Je suis consultant, c'est 5000 pour 30 minutes. Fais l'état, j'ai la végétale. Je vis dans un film, sur le corps, j'ai des fissures. Pouton même, ta drogue est synthétique. Tu m'envoies des pics, pédé, je vais t'asseoir dessus. Pas sympa depuis le placenta. Tu sens mon index depuis mardi gras. Oui, je laisse la plus bonne. Tu crois que c'est un fake. Elle est à 20h dans mon agenda. Mac noyé dans son plat du dos. On t'a noyé, tu perds ta vie sur un plat. Moyennant quelques euros, j'ai clore et pas de thé sur un plat. Mais je fume plus, je m'enfonce dans le fauteuil. Je t'ai cousu sur mon cœur, pute comme Daniel Auteuil. Je l'ai arraché revenir, putain crevé d'orgueil. Je suis parti en guerre, j'ai perdu des potes. Le temps d'un soupir, je revois mes souvenirs. Mais j'ai pas fait mon deuil. Je viens sur ma vie, même tu les dis. Pour ma monnaie, monnaie, monnaie, monnaie. Je suis sur tous les lames, je suis sur tous les dits. Tu nous connais, connais, connais, connais. Je remonte ma voyage, je ramasse mes billes. Sèche de monnaie, monnaie, monnaie, monnaie. Je suis né au monde, c'est usant de la cocaïne. Je suis là dans ton lait, ton lait, ton lait. Monnaie, monnaie, monnaie, monnaie. J'ai plus de monde que d'abonnés, c'est violent. Plus d'ennemis que d'abonnés, tu croyais en nous. Plus ça m'a monnaie, mais tu voyais flou. Quitter l'hexagone, tricler les valises. Mourir, y voir à la place des canines. Il fallait, il fallait. Peut-être que je chante un calibre. Ça veut dire surveille ton nom. Je tourne de la veille à l'heure. Plus je fume, plus je m'enfonce dans le fauteuil. Je t'ai cousu sur mon cœur, pute comme Daniel Auteuil. Je l'ai arraché revenir, plutôt crevé d'orgueil. Je suis parti en guerre, j'ai perdu des potes. Le temps d'un soupir, je revois mes souvenirs. Mais j'ai pas fait mon air. Je pars sur ma vie, même félicite. Pour ma monnaie, monnaie, monnaie, monnaie. Je suis sur tous les rangs, je suis sur tous les sites. Tu nous connais, connais, connais, connais. Je remonte ma baguette, je ravais ses billes. Sèche des monnaies, monnaie, monnaie, monnaie. Je suis né au monde, c'est une sorte de la cocaïne. Je suis là pour tourner, tourner, tourner.